Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 2. De l'acte de foi, et d'abord de l'acte intérieur. Définition de l'acte de foi. Nécessité de la foi. Foi explicite au mystère de l'incarnation et de la Trinité. Mérite de la foi. Rôle de la raison. 1. Croire, est-ce penser une chose avec assentiment? Si l'on prenait le mot « penser » dans son acception la plus large, comme signifiant tout exercice actuel de l'esprit, il ne rendrait pas proprement l'opération particulière de notre intelligence dans l'acte de foi, car tout homme qui considère ce qu'il sait ou ce qu'il comprend pense avec assentiment. Mais comme le mot « penser » peut se prendre, dans une signification moins étendue, pour l'opération de notre esprit qui, après une certaine recherche, choisit une chose sans en avoir la vision pleine et entière, il peut servir à exprimer l'acte de foi, qui est une adhésion ferme à un sentiment, ce que l'homme qui croit a de commun avec celui qui sait et qui comprend. Toutefois, comme celui qui croit n'a pas la connaissance parfaite de l'évidence, il a aussi cela de commun avec celui qui doute, avec celui qui soupçonne et avec celui qui a une opinion. Le propre du croyant est donc de penser avec assentiment, c'est là ce qui distingue l'acte de foi de tous les autres actes de l'intelligence. Note. La recherche que la foi suppose n'est pas celle de la raison naturelle qui veut se démontrer un objet, c'est une certaine recherche des motifs de crédibilité, tels que la parole de Dieu et les miracles. Fin de la note. 2. Les actes de foi sont-ils convenablement distingués de cette manière? Croire à Dieu, croire Dieu, croire en Dieu? Cette distinction nous est donnée par saint Augustin. Croire à Dieu marque l'objet formel de la foi, le motif pour lequel on adhère aux vérités que l'on croit. Croire Dieu désigne l'objet matériel de la foi, toutes les vérités de la foi se rattachant à Dieu de quelque manière. Croire en Dieu désigne l'intervention de la volonté dans l'acte de foi, car la vérité souveraine est, comme fin dernière, l'objet de la volonté. 3. Est-il nécessaire de croire quelque chose qui soit au-dessus de la raison naturelle? Sans la foi, nous dit l'apôtre, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. Notre perfection consiste non seulement dans ce qui nous convient d'après notre nature, mais encore dans ce qui nous est accordé par suite de notre participation surnaturelle à la bonté divine. Aussi avons-nous dit ailleurs que notre béatitude dernière est dans la vision surnaturelle de Dieu, à laquelle nous ne pouvons parvenir que par une science reçue de Dieu même, comme nous l'insinue cette parole. Quiconque a écouté mon Père et a appris de lui qui je suis, celui-là vient à moi. Jean 6, 45. Or cette science, nous l'acquérons, non pas tout à coup, mais par degrés, conformément à notre nature. S'il est nécessaire que tout homme qui étudie un sujet commence par croire à la parole de celui qui l'enseigne, pour arriver à la plénitude de la science, selon ce mot du philosophe, il faut que le disciple croie à son maître. Il ne l'est pas moins que, pour parvenir à la parfaite vision de la béatitude, l'homme croit à Dieu, comme le disciple, au maître qui l'instruit. Notre nature étant subordonnée à une nature supérieure, la connaissance de la lumière naturelle ne suffit pas à notre perfection, il nous faut une certaine connaissance surnaturelle. Car la foi pénètre plus avant dans les secrets invisibles de Dieu que ne le peut faire la raison naturelle. Beaucoup de vérités vous ont été révélées qui sont supérieures à l'esprit de l'homme, a dit l'écrivain sacré. Ecclésiastique 3:25. 4. Est-il nécessaire d'admettre par la foi des vérités que la raison naturelle peut démontrer? Il est nécessaire de recevoir par la foi non seulement ce que la raison naturelle ne découvre pas, mais encore certaines vérités qu'elle peut démontrer, et cela pour trois motifs. D'abord, pour arriver plus promptement à la connaissance de Dieu et de ses divins attributs, ensuite, pour que, cette connaissance étant plus universelle, aucune intelligence, malgré les nécessités de la vie matérielle, malgré l'insouciance la plus profonde, n'en soit privée, enfin, pour que cette connaissance soit plus certaine, notre raison étant souvent en défaut dans les choses qui regardent la divinité, comme on le voit par les erreurs et les contradictions des anciens philosophes. 5. L'homme est-il tenu de croire quelque chose explicitement? L'homme est tenu, d'après saint Paul, à croire quelque chose d'une manière explicite. Pour s'approcher de Dieu, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. En ce qui est des premières vérités de la foi, qui ne sont autres que les articles du symbole, l'homme est tenu de les croire explicitement, comme il est tenu d'avoir la foi. Quant aux vérités secondaires, il lui suffit de les croire implicitement, il n'est obligé de les croire explicitement qu'au fur et à mesure qu'il lui est démontré qu'elles sont contenues dans l'enseignement de la foi. Note. Que l'on ne dise point que la croyance explicite des articles de la foi n'est pas toujours au pouvoir de l'homme. Nous sommes tenus à beaucoup de devoirs qu'il nous est impossible de remplir sans la grâce réparatrice, par exemple, à l'amour de Dieu et du prochain. L'accomplissement de tous nos devoirs nous est possible avec le secours de la grâce, que Dieu nous accorde à tous par l'effet de sa miséricorde, et qu'il ne refuse à personne que par un effet de sa justice. Fin de la note. 6. Tous les hommes sont-ils tenus à la même foi explicite? Tel est l'ordre établi de Dieu que les vérités de la foi parviennent aux inférieurs par l'intermédiaire des supérieurs, les anges supérieurs les communiquent aux anges inférieurs, qui les transmettent aux hommes, les hommes supérieurs, à leur tour, les expliquent aux hommes inférieurs. De même que les anges supérieurs ont une connaissance plus parfaite des mystères divins, les hommes supérieurs qui instruisent leurs frères doivent avoir aussi une connaissance plus parfaite des vérités de la foi, c'est-à-dire une foi plus explicite. Note. Il est indubitable que ceux qui ont mission d'instruire les autres sont tenus d'avoir une foi plus explicite que les simples fidèles. On ne doit pas interroger les ignorants sur les subtilités de la foi, à moins qu'on ait lieu de penser qu'ils ont été égarés par les hérétiques. Fin de la note. 7. La foi explicite au mystère de l'incarnation du Christ est-elle de nécessité de salut pour tous? Aucun homme, jeune ou vieux, dit saint Augustin, n'est délivré de la contagion de la mort et des liens du péché que par le médiateur unique de Dieu et des hommes, Jésus-Christ. En effet, la voie qui conduit à la béatitude n'est autre que le mystère de l'incarnation et de la passion du Christ. Aucun autre nom, disait l'apôtre saint Pierre, n'a été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Actes des Apôtres 4, 12. Il a donc fallu, en tout temps, que le mystère de l'incarnation fût cru par tous les hommes d'une certaine manière, seulement le mode de cette croyance a pu varier selon les temps et selon les personnes. Il est vraisemblable que, même dans l'état d'innocence, l'homme eut la foi explicite au mystère de l'incarnation, et qu'il le regarda, non comme un moyen d'être délivré du péché par la passion et la résurrection du Sauveur, mais comme un moyen d'arriver à la consommation de la gloire. Ce qui nous le persuade, c'est qu'il est écrit dans la Genèse 2, 24, « L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme », sur quoi l'apôtre disait « Ceci est un grand sacrement dans le Christ et dans l'Église », Éphésiens 5, 32. Il n'est pas à croire que le premier homme, avant sa chute, ait ignoré cette signification symbolique de son mariage. Après le péché, le mystère de l'incarnation fut cru explicitement, non seulement quant à l'incarnation même, mais quant à la passion du Christ et à sa résurrection, qui devait délivrer le genre humain du péché même et de la mort. Autrement, les hommes n'auraient pas figuré d'avance la passion du Christ par certains sacrifices avant la loi et sous la loi, sacrifices dont les hommes instruits connaissaient seuls la signification, mais qui donnaient néanmoins aux plus simples une connaissance implicite de la venue du Christ. Depuis la loi de grâce, les simples fidèles, comme les hommes instruits, sont tenus de croire explicitement les mystères du Christ, notamment ceux qui sont l'objet des solennités générales de l'Église et qui sont proposés à la croyance de tous, comme les articles sur l'incarnation, dont nous avons parlé. Quant aux autres vérités plus subtiles, chacun est tenu à une foi plus ou moins explicite, selon son état et son emploi. Note. Le Christ a été révélé à un grand nombre de gentils, on le voit par les prédictions qu'ils ont faites. Job disait, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » 19, 25, et la Sibylle elle-même, d'après saint Augustin, a prophétisé le Christ. Si des gentils ont été sauvés sans la révélation, ils ne l'ont pas été sans la foi au médiateur, s'ils n'ont pas eu la foi explicite, ils en ont eu du moins la foi implicite en croyant à la providence divine, qui délivre les hommes par les moyens et de la manière qu'il lui plaît. Fin de la note. 8. La foi explicite à la Trinité est-elle de nécessité pour le salut ? La Sainte Trinité fut révélée dès le commencement du monde, on la voit déjà paraître dans ses paroles, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Genèse 1, 26. Plus tard, sous l'Ancien Testament, elle fut exprimée de plusieurs manières, ce qui suppose que, dès l'origine, il importait au salut d'y croire. Aussi bien la foi explicite à l'incarnation du Christ l'implique de toute nécessité, car, dans le mystère de l'incarnation, est contenu ceci, que, le Fils de Dieu a pris un corps, qu'il a régénéré le monde par la grâce de l'Esprit Saint, et qu'il a été lui-même conçu du Saint-Esprit. Nous pouvons en inférer que la foi à la Trinité, avant la venue du Sauveur, a été, comme la foi à l'incarnation, explicite chez les hommes supérieurs, et implicite seulement chez ceux qui étaient moins éclairés. Nous pouvons en déduire encore que tous les hommes, sous la loi de grâce, sont tenus de croire explicitement au mystère de la Sainte Trinité. Tous ceux, en effet, qui renaissent dans le Christ obtiennent un tel bienfait par l'invocation des trois personnes divines, conformément à ses paroles, « Allez, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, 19. Il a toujours été nécessaire pour le salut de croire explicitement que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent, mais cela ne suffit pas pour tous les temps et pour tous les individus. Si, avant la venue du Christ, la foi à la Trinité était le partage des hommes supérieurs, Il n'en doit plus être de même après qu'elle a été manifestée au monde par le Christ et par les apôtres. Note. Il y a un précepte divin pour les hommes de croire explicitement à la Sainte Trinité. Ceux auxquels ce mystère est annoncé doivent l'admettre sous peine de damnation, les autres sont excusés de péché par défaut de connaissance. Nous avons vu précédemment que la foi implicite a pu justifier les païens. Il n'y a pas de raison pour que son pouvoir soit restreint à l'égard des infidèles qui n'ont point connaissance de la révélation. Nous croyons que, par nécessité de salut, saint Thomas entend la nécessité de préceptes. Ce qui nous confirme dans cette opinion, c'est qu'en beaucoup d'autres endroits, et notamment dans la question suivante, où il parle de la confession de la foi, la nécessité de préceptes est exprimée dans des termes semblables. Ce qu'il dit ici sur les gentils en est d'ailleurs une preuve certaine. Voici, sur ces matières, ce qu'enseigne le cardinal Gousset dans sa théologie morale, où il semble résumer toute la doctrine de saint Thomas sur la nécessité de la foi est absolument nécessaire au salut, mais il n'est pas nécessaire que la foi soit explicite en tout. À l'exception des principales vérités que personne ne peut ignorer sans danger pour le salut, la foi implicite, en général, suffit au simple fidèle. Il est nécessaire d'une nécessité de moyen de croire explicitement qu'il y a un Dieu, souverain Seigneur de toutes choses, et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il ne peut y avoir de salut pour un adulte s'il ne croit pas explicitement en Dieu, à sa providence et à l'existence d'une autre vie, où chacun recevra suivant ses œuvres. La foi explicite au mystère de la Sainte Trinité, de l'incarnation et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est encore nécessaire au salut, mais il n'est pas certain qu'elle soit nécessaire de nécessité de moyens. Il nous paraît même plus probable qu'elle n'est nécessaire que d'une nécessité morale, nécessité de précepte. Cependant, par cela même qu'il y a du doute, on doit se comporter dans la pratique comme si la connaissance et la foi explicite des mystères dont il s'agit étaient nécessaires de nécessité de moyens. Fin de la note. 9. L'acte de foi est-il méritoire? Nous lisons dans saint Paul que les saints ont obtenu par la foi l'effet des promesses. Hébreux 11:33. Cela ne serait pas, s'ils n'eussent mérité en croyant, que faut-il pour que nos actes soient méritoires? Le libre arbitre et la grâce. Or, par l'acte de foi, notre esprit adhère à la vérité divine avec liberté et sous l'influence de la grâce. Cet acte est donc méritoire. Note. Ni la nature ni la foi ne peuvent produire, sans la charité, un acte méritoire. Mais, aussitôt que la charité survient, elle confère le mérite à l'acte de foi, à l'acte de la nature et à l'acte naturel du libre arbitre. Dans les sciences, l'assentiment à une vérité n'est pas soumis au libre arbitre, il est le résultat forcé d'une démonstration, et, sous ce rapport, il n'est pas méritoire. Tout le mérite, en matière scientifique, consiste à appliquer librement notre esprit à un objet que nous rapportons à la gloire de Dieu ou du prochain, au lieu que, dans le domaine de la foi, l'assentiment à une vérité et l'application de l'esprit à cette vérité étant deux choses également libres, l'acte de foi est doublement méritoire. Le fidèle a toujours, dans l'enseignement divin confirmé par les miracles, et surtout dans l'inspiration secrète de Dieu, un motif suffisant pour croire. Sa foi ne provient pas de la légèreté, par conséquent, rien ne l'empêche d'être méritoire. Fin de la note. 10. Les raisons qui nous portent à croire les vérités de la foi diminuent-elles le mérite de la foi? Si la raison, en prêtant son secours à la foi, devait toujours en affaiblir le mérite, saint Pierre n'aurait pas écrit « Soyez toujours prêts à répondre à celui qui vous demandera raison de l'espérance qui est en vous. » 1 Pierre 3, 15. Le raisonnement, en matière de foi, peut se rapporter de deux manières à notre volonté. D'abord, d'une manière antécédente, par exemple, lorsque quelqu'un ne croirait pas, ou ne croirait pas aussi fermement sans cet appui. Les raisons qui viendraient ainsi à l'aide de la foi en diminueraient le mérite. La vérité révélée doit être admise, non en considération de la raison naturelle, mais à cause de l'autorité divine qui la propose. En second lieu, le raisonnement peut se rapporter à notre volonté d'une manière subséquente. Un homme, parfaitement disposé par rapport à la foi, cherche dans son esprit les raisons qui favorisent sa conviction, et, lorsqu'il en trouve quelques-unes, il les saisit et s'y attache. Cette conduite, loin d'exclure le mérite de la foi, révèle, au contraire, un mérite plus grand. Elle est le signe et la preuve d'une volonté meilleure. C'est le cas de ceux qui disaient à la Samaritaine, « Ce n'est plus sur vos paroles que nous croyons. » Jean 4, 42. La Samaritaine, c'est la raison humaine. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.